Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, c'est Lost in Space sur le Radioactive 100 FM. Et cette semaine, c'est un hommage à NoFX, un des plus grands groupes punk de la vague californienne qui a commencé dans les années 90 et qui continue actuellement. NoFX, capable de mélanger à la fois punk énervé, reggae, un peu de ska, conviction politique, enfin bref, super bon groupe que je vous invite à découvrir ce soir en notre compagnie. Et c'est parti pour 3 heures, go! I never thought about the universe, it made me feel small. Never thought about the problems of this planet at all. Global warming, radioactive sites, imperialistic wrongs, and animal rights, no! The bad things when life is so good. Why up with an M when there's always a could? Let the whales worry about the poisons in the sea. Outside of California, it's foreign policy. I don't want changes, I have no reactions. Your dilemmas are my distractions. That's the way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, Franco, un-American. Then I read some hours in, now I'm always depressed. And now I can't sleep from years of apathy. All because I read a little Noam Chomsky. I'm eating vegetation cause of fast food nation. I wear a couple shoes cause of globalization. I'm watching Michael Moore expose the awful truth. I'm listening to Public Enemy and Reagan Youth. I see no world peace cause of zealous armed forces. I eat no presidents cause they're from the hoof horses. Now I can't believe what an absolute failure. The president's laughing cause he voted for Nader. That's no way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. No way to go, Franco, un-American. Where can we go, Franco, un-American? I wanna move north and be a Canadian. Or hang down low with the nice Australians. I don't wanna be another idol character. What are we gonna do, Franco, Franco, un-American? Punk rock band, we're a new wave band. You'll pay $10 to see me on a 15. But there's just one problem. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. For you to make me a star. Everybody sing it one time. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Shut up and dance, everybody. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? And I'll go far. One more time. Give me a tune. I'll tell you my soul. Oh, my strings, and I'll go far. And tune, tune, tune, tune, tune, tune. My pillow. Tune, tune, tune, tune, tune, tune. My pillow. Thank you very much, ladies and gentlemen. We sure did love you. We'll see you next time. It's a good time playing here tonight. Rock and roll. J'engageais ma voiture dans l'allée et m'arrêtais devant le garage. De l'autre côté de la rue, la femme de Frank Wanamaker, Elisabeth, était assise sur leur pelouse. Elle arrachait des mauvaises herbes. Elle m'adressa un petit sourire et leva l'une de ses mains, gantée de blanc. Je lui répondis d'un signe en sortant de la voiture et me dirigeai vers la véranda. Alors que j'en montais les deux marches, je vis Elisabeth se remettre péniblement sur ses pieds et ajuster sa robe de grossesse. Le bébé devait naître dans 3 mois. C'était le premier enfant des Wanamaker après 7 ans de mariage. Watson, it's really elementary. The Industrial Revolution has flipped the bitch on evolution. The benevolent and wise are being thwarted out to size. What a bummer. The world keeps getting dumber. Insensitivity is standard, and faith is being fancied over reason. Darwin's rolling over in his coffin. The fittest are surviving much less often. Now everything seems to be reversing, and it's worsening. Someone flopped a steamer in the gene pool. Now angry mob mentality is no longer the exception, it's the rule. And I'm starting to feel a lot like Charlton Heston, stranded on a primate planet. Apes and orangutans and ran into the ground, with generals and the armies that obeyed them. Followers following fables, philosophies that enable them to rule without regard. Salon, j'aperçus Phil assis à la table de la cuisine, une bouteille de coke posée devant lui. Grand et mince, il avait une vingtaine d'années et ses cheveux brun foncé étaient taillés en brosse. Tournant les yeux vers moi, il sourit. I had a very pretty girl from the south side of town. She would follow me anywhere and she did to the ground. I decided I should leave her. I decided I would turn my life right around. Looking back, I know it's all a mistake. And if I could, you know, I would go back to her and say, you and me were meant to be together, baby. You and me were right. You and me were meant to be together, baby. It's you and me tonight. Second time I had a pretty girl, my little rock band was tight. Too many troubles on the cold road led us to a fight. You've been cheating on me, baby. Little jealousy tore us up in fight. I realized it was over then, but I don't want you to go, and I don't want you to go again. You and me were meant to be together, baby. You and me were right. You and me were meant to be together, baby. It's you and me tonight. Spinning lyrics so fast, we're winning the race. Running around like you've been hit by riot. Bass, holding bass. 12 cents for Marvin is up in your face. Horns on the side and in the back, we got the drama. We're rolling over suckers like we've been driving a Hummer. So since we're getting as well as the bands, we're getting lazy. People in the house are loud and getting crazy. Crazy. back, cried it and admitted to me it was another guy. But it was not another baby. Motor accident caused her brother to die. I realized it was over then, but I don't want you to go, and I don't want you to go again. You and me were meant to be together, baby. You and me were right. You and me were meant to be together, baby. It's you and me tonight. Baby, you and me were right. You and me were meant to be together, baby. It's you and me J'ôtais ma veste et l'accrochais dans la penderie. Anne m'accueillit sur le sol de la cuisine avec un sourire et un baiser. Autant vous prévenir tout de suite, ceci n'est pas une autobiographie. Enfin, pas au sens où on l'entend habituellement. Certes, vous y trouverez des dates, des anecdotes, certains des faits marquants de la vie d'un écrivain hors du commun. Né dans l'Angleterre des lords et des ladies avec une cuillère en argent dans la bouche, et qui, dans un haut le cœur, vomit cuillère, lords, ladies et Angleterre pour endosser tour à tour la défroque d'un chauffeur de taxi, d'escroc immobilier, d'homme de main de la pègre londonienne, pour finir exilé en France dans un mas abandonné, à cultiver la vigne en écrivant quelques-uns des plus intenses romans noirs de ces 20 dernières années. Alors certes, vous y trouverez des V1 tombant sur Londres pendant le Blitz, un oncle adoré mort dans la salle des machines, des règlements de compte dans l'arrière-cour des pubs sordides, mais surtout, vous entendrez au fil de ces pages un écrivain parler de son amour de la littérature, du roman noir, avec une sincérité rarement atteinte. I don't like you. shot like a remade. You are a scratch from the human race. You are a waste of a name. A waste of time and a waste of space. You only want to make a babe. I don't like you. From the human race, you are a waste of a day, a waste of time and a waste of space. You've only one way to be. I don't like you. Šílený, Duke. Nikdo takovou muziku poslouchat nebude. Stojíš a hraješ tak rychle, co to dá, jak jen to nazvat. Punk! Mě baví volat a pár jsou značkový. Červené pery a výstřih fajnový. Krátka sukňa tento imidž doladí. V kaviarni čaká, kto ju uloví. Sliepka s kavolkou, čo šmurká na zámožných pánov. Raj idiotov, ktorí podlanú tým ženským plánom. Za pár drinkov zhodí šaty na počkanie. Čertovo kolo, tá roztočí sa roztočí. Súsne právo, sortigrovaný. Veľké cecky, z ktorých si nadržaný. Idylka sa končí, keď hubu otvorí. Barbie girl sa ku mne vôbec nehodí. Sliepka s kavolkou, čo šmurká na zámožných pánov. Raj idiotov, ktorí podlanú tým ženským plánom. Za pár drinkov zhodí šaty na počkanie. Čertovo kolo, ktorá roztočí sa roztočí. Šaty na počkanie, čertovo kolo, tá roztočí sa roztočí. Nebudeš im prvý, ani druhý, ale ani posledný. Make-up už túto blúdu na kočku premen. Investuješ do tej sliepky, iba na tom záleží. Ženské sú potvory, ktoré zneužívajú svoje otvory. Měl jsem všechno a pak jsem to posral do prdele. Obsédé par les conséquences de la violence physique ou sociale, Robin Cook a exploré dans ses romans les marges de la société et du comportement humain au risque d'indisposer les plus endurcis. Ici, dans cette autobiographie décousue, il révèle pour nous et pour lui-même sa vision du monde, une vision d'une noirceur extrême qui jamais pourtant n'efface la compassion. Son style a la puissance fiévreuse de Blake et des auteurs métaphysiques et romantiques du XIXe siècle. Son désespoir lucide est celui de ces alcooliques aux yeux pleins de larmes qui parfois vous agrippent silencieusement dans un pub de Londres et vous font mémoire de leur déchéance. Cook analyse comme personne la fragile et dangereuse tendresse de l'auteur de romans noirs pour ses personnages, les effets dévastateurs sur le romancier de la violence qu'il déclenche sur ses propres créatures. Son récit de la traversée de l'abîme que fut pour lui l'écriture de ce qui fut probablement son chef-d'œuvre, J'étais Dora Suarez, n'étonnera pas tous ceux que le souvenir de ce roman poursuit encore des années après sa lecture. You got crappy songs, it's barely performed, your lyrics made me puke, you look like some pimpled nerd, you got thick glasses, greasy hair, that Nerf herder band shirt, whatever that is, and now you get off my property, and you're gonna get your damn hands off my daughter! and he never hurt anybody, never started a fight. I said that Johnny was the same as you and me. Never hurt anybody, never had an enemy, Johnny. The kind of woman's tender care sits towards the child she bears. With the rifle, down to the side. I said, oh, no, no, no, no, no. We can't. Ne nous y trompons pas. Il est question ici de l'homme, de sa mort programmée, de sa dignité. Cook vomissait les detective stories dictées le petit doigt en l'air par des douairières so British, destinées à l'ennoblissement et à titillation des puissants et des imbéciles. Comme il vomissait la distinction débile opérée en cette fin de siècle entre le roman noir et la grande littérature. Le roman noir peut sembler récent, mais il ne l'est pas. Continuation de la littérature de la peur et du doute, il remonte au moins à Shakespeare. Et s'il semble récent, c'est parce qu'il a été absent pendant longtemps. Et il a été absent parce que la littérature a subi le sort de la religion. Elle apparaît aujourd'hui sous ce qu'elle a de plus stupide, rebattu et insipide, dans une décennie où les riches s'en moquent, sauf le week-end, quand ils essayent d'en écrire. Les illettrés ne la comprennent pas, et ceux qui seraient passionnés n'ont pas les moyens. Across the old hall in Detroit, they prayed in the Maritime Sailors' Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man in the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. Superior, they said, never gives up her dead, and the gales of November come early. Le roman noir existe, écrivait encore Robin Cook, parce que l'horreur existe comme la mangouste avec le serpent. Fils de bonne famille anglaise, Cook avait fui très tôt les fastes poussiéreux de sa caste. Au terme d'une vie d'errance, il avait échoué en France dans les corbières ou entre deux vendanges, il écrivait des romans sombres et magnifiques. Et dans sa longue carrière, il avait côtoyé des meurtriers, des psychopathes. Ceux qui hantent ses romans sont saisissants de vérité. Obtus mais convaincus de leur supériorité intellectuelle, paranoïaques mais attentifs à feindre, au prix d'un effort de tous les instants, l'apparence de la normalité. Peu de gens atteignent tout leur but dans la vie, écrivait Cook, mais le meurtrier représente une exception effrayante. Son objectif est le néant et son heure de gloire survient quand il l'atteint. Cette compréhension intime de la stupidité du mal, pour paraphraser Hannah Arendt, distingue l'œuvre de Robin Cook de celle de trop nombreux auteurs à succès qui inventent à tour de bras des génies du crime assidois. Cook savait mieux que personne ce qu'était le mal et ne s'en laissait pas compter. Il avait vu sous l'ère thatchérienne son pays basculer plus avant dans la médiocrité d'une société de petits épiciers ultralibérales. Il avait vu fondre les statistiques du chômage pendant que les pauvres et les démunis crevaient dans la rue. Le comportement apathique de l'État à l'égard de la santé psychique du public est symptomatique d'une indifférence croissante à l'égard de la vie humaine, écrivait encore Cook. À l'heure du constat, pénétrant dans l'appartement dévasté où bourdonnent des mouches repues et indolentes au-dessus des cadavres, Cook prenait note de tous les détails du crime, sans perdre de vue le système qui avait poussé ces hommes et ces femmes à basculer dans la folie et dans le noir. Train and a man L'homme surgit du crépuscule alors que la dernière lueur jaune-vert du soleil s'attardait encore à l'ouest. Il s'arrêta au bord du patio et appela. « Mr. Adams, vous êtes là ?» Nous voici enfin seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera fini. Louis Ferdinand Céline. Regarde. mes yeux se posent sur un vrai livre et que j'en supprime les mots imprimés, il ne reste que des pensées immatérielles qui voltigent dans l'air et reposent sur de l'air. C'est l'air qui les nourrit, c'est à l'air qu'elles retournent, parce que tout est air à la fin. Boumil Rabal. I'm not afraid. And I- bien vu, avec les temps qui courent, je me traîne sur cette plage. Le soleil immense cartonne mon front en nage. Les rouleaux de chair près des corps artificiels me proclament que le temps est mort. Je me dis qu'il faut fuir. C'est essentiel. Pour moi, pour vous, puisque vous me lisez, pour accélérer le temps et faire tourner la terre dans l'autre sens, marcher sur la plage et survoler les âmes crues qui saignent déjà, qui ignorent nos gueules, qui nous trompent, c'est certain, par les routes et le langage. Les singes ne nous comprennent plus, et tant mieux. La plage est blanche, presque propre, mes pieds caustiques la souillent. Ce phénomène provoque le souvenir très loin, vers ma naissance, lorsque nos mères prennent le temps de nous créer il y a presque 25 ans. Instead. Mais moi, je n'ai pas envie de l'apprécier, le monde. Direct, je veux retourner la terre, lui uriner dessus direct. Pas de révolte, juste une idée. Je ne suis pas d'ici, de ce pays. Je viens d'un corps et je suis la chair qui crée, qui songe, qui sue des miroirs déformants, direct. Petit d'homme s'efforçant d'élaborer son théâtre fou. La lampe s'éteint et les avions de doigts attaquent. Ma mère nous dit bonne nuit, de la nuit je vais tout refaire. Bouge pas, frangin, je rêve de mon lit malade, les flammes me protègent. Gamin aux yeux humides et fragiles, pleurant sans cesse, boucan d'enfer d'une vieille Renault pourrie. Vélo qui fuse sans les bras, cassage de gueule et croûte au coude, et sang qui coule, et ma mère à 90 degrés guérit les larmes égarées. Petit, le gosse perdu, j'admire les tours de la ville voisine, peux pas imaginer qu'elles sont habitées, et les châteaux d'eau colossaux m'inondent. Et mon deuxième petit frère aîné, et avec une barbe et des lunettes même. C'est mon oncle qui l'a dit. Samedi, le bois des rondines est lumineux, je m'enterre entre deux racines, la terre ne tourne pas à l'envers, pas encore. Le bois est beau, pendant que les enfants tombent malades, l'un après l'autre, tirés comme des lapins, privés de futur, croqués par les louves saoules, contaminés par les crocs de clous. Le gentil toubib est à l'heure, je lui tire la langue, il rigole. Et le cancer lui fait tomber les cheveux. La vieille voisine a un chien plus âgé qu'elle, lui aussi il est chauve. Je repars. Le bois est à nous, chasse à l'homme, on s'invente des conquêtes, des histoires. Mon instinct, méthode freinée, adore mes compositions écrites, inspirées des films d'épouvante et de Disney. On va au ciné, c'est Taram, c'est la nuit sur les gens, plus Dieu. C'est le rayon de poussière, les volutes gauloises de mon père. D'un film, une femme se tranche les veines, je me cache derrière le fauteuil. Pareil qu'ils mettent des bons hommes de 30 cm dans les téloches, ils font comme ça les séries, c'est mon oncle qui l'a dit. Du bist noch da, das erste Licht fällt auf dein Haar. Ich möchte dich berühren, doch ich beweg mich nicht. Ich schau dich nur an, mich blendet das Licht. Ich brauch deinen Schutz, ich möchte dich beschützen. Ich hab dich nötig, will dich nicht benützen. Meine Gedanken mit dir und ersticke fast in diesem Gewirr. Ich bin zu feige, dir zu gestehen, dass all meine Gedanken sich nur um dich drehen. Ich brauch deinen Schutz und möchte dich beschützen. Ich hab dich nötig, möchte dich nicht benutzen. Jetzt hab ich Angst, Angst, ich verliere es. Ich drück mich um Antwort auf deine Fragen. Die Wahrheit kann ich nämlich selbst nicht ertragen. Ich brauch deinen Schutz und will dich beschützen. Ich hab dich nötig, will dich nicht benutzen.